I have a friend in my room on the guitar and on the second mic. Yeah, motherfucker! Yeah! Hi. Stop the fucking beat! What the fuck is going around? I said, Simka, why don't you sing a song?

Cellule vivante qui tourne dans un grand océan de vide, perdu entre d'innombrables galaxies inhabitées. Et pourtant, nous dépensons notre temps dans des vies absurdes et stériles, acharnés à détruire la perle précieuse qui brille dans l'espace infini, en guerre contre tous et contre nous-mêmes. Naviguons sur une planète à l'intérieur d'une mince pellicule vivante qui tourne dans un grand